Avec mes fiers collègues, on zigzag dans Paris. À l'arrière, on voyage tout au lever du jour. Souvent le soleil se lève alors qu'on a fini. L'emmerdant, c'est le bruit qui va nous rendre sourds. Et l'odeur, bien sûr, et puis la fatigue aussi. J'aime pas tellement non plus tous les regards autour. Les piétons pressés qui dégoulinent de mépris. Des automobilistes qui klaxonneront toujours. Mais c'était pas vraiment ma vocation. Je me souviens pas du choix de ma profession. Pourquoi je suis là chaque matin comme un con, à me fatiguer les bras à l'arrière du camion. Je regarde les gens dans leurs jolis costumes. Je me demande où vont-ils, sont-ils aussi utiles que mon équipe et moi, ou même un presse-agrumes. Puisqu'on s'occupe de tout, dormez en paix tranquille. Quand un type en bagnole verbalement nous allume, nous prend pour des étrons, nous compare aux débiles. Alors avec les potes, on s'en pousse des plumes. On exécute un long balai des plus graciles. Mais c'était pas chaque matin comme un con, à me fatiguer les bras à l'arrière du camion. Tous les soirs je m'évade dans un monde enchanté. Je suis collectionneur passionné par Mike Brown. Vente le classeur d'articles découpés. Puis je vais me coucher à 18h40. C'est ma vie de pauvre type célibataire raté, qui a très peu de chances de rencontrer l'amante. Aucune princesse au monde d'amour ne peut tomber d'un gentilhomme à la profession de la honte. Mais c'était pas vraiment ma vocation. Je me souviens pas du choix de ma profession. Je suis là chaque matin.